c'est le temps qui fait la musique. L'ouvrier qui sème le vent récolte la tempête. Chaque chose a son temps. Les absents ont toujours tort. Tel père, telle fille, c'est le temps qui fait la musique. L'ouvrier qui sème le vent récolte la tempête. Chaque chose a son temps. Les absents ont toujours tort. Tel père, telle fille, le passé est le passé. Les peaux fêlées sont ceux qui durent le plus. La vérité finit toujours par se découvrir. À chaque jour suffit sa peine. Il ne faut pas chanter victoire avant la bataille. Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Chacun trouve chaussure à son pied.